Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une jeune comédie française. Alexandra, 30 ans, s'apprête à passer les vacances d'été en famille. Au moment de prendre la route, elle apprend que sa mère a aussi invité son ex, accompagné d'une fiancée jeune et ravissante. Dans un café, elle croise un acteur au chômage et l'engage sur le champ pour tenir le rôle de son fiancé. Maman, je n'ai aucune envie de passer mes vacances avec mon ex. Tu peux comprendre ça ? Non, non, vous vous trompez, c'est un acteur, c'est un comédien, lui. Hein. Vous jouez dans quoi ? Je joue dans... Non, mais vous êtes au chômage, vous bossez pas, quoi. Oui, et alors ? Et moi, je suis célibataire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, ça ? Mon fiancé, 1500 euros. C'est non. Tout frais payé, c'est énorme. C'est oui. Bah, j'ai fait dentiste une fois. Skipper, directeur de casting. Skipper, c'est pas mal ça. Route du Rhum, transatlantique. Ah, ma mère va adorer. J'ai le trac. Vous vous foutez de moi là ? Non, pas du tout. Ça arrive même au plus grand. Molière avait le trac. Bonsoir. Voilà, il s'appelle Yann et on vit ensemble depuis 6 mois. Et c'est un grand skipper, vous a dit maman. Et Yann ? Oui ? C'est une goélette, elle est jolie. La goélette ? Ah ouais, ouais, elle est jolie, dis donc. Comment vous faites pour reconnaître une femelle à cette distance ? Aïe ! Vous savez combien ça peut vous coûter un accident du travail ? Et vous, une faute professionnelle grave ? Bien sûr, je vais être déclaré. Hein. J'accepte les chèques emploi-service si ça vous arrange. Il est toujours comme ça, ton mec ? J'ai fait le caporne avec, quand même. Tu croyais qu'il n'était pas des frimeurs ? Mais plutôt bien, ton nouveau fiancé. Au fait, vous dormez où, vous ? Il y a 2 matelas. Cherche fiancé, tout frais payé. Une comédie d'Aline Iserman avec Alexandra Lamy, Bruno Salomon, Claudia Cardinal. Un DVD TF1 Vidéo.